rencontré trop tard. J'avais déjà une histoire. La vie n'est pas toujours facile. Heureusement, tu es docile. Tu m'as donné ta jeunesse pour un matin de tendresse. Mais nous vivons trop loin de nous, un amour un peu fou. Je viens vers toi quand j'ai besoin d'amour, tout contre toi et jusqu'au petit jour. J'oublie le monde que je viens de quitter, mon corps succombe sous 100 000 baisers. Je viens vers toi quand j'ai besoin d'amour, tout contre toi et jusqu'au petit jour. J'oublie le monde que je viens de quitter, mon corps succombe sous 100 000 baisers. Ma vie d'artiste, rivale que tu crains tant, je sais très bien que tu es triste le soir en t'endormant. Je connais ta jalousie, le mal profond qu'elle entraîne. Je sais que parfois tu souris pour mieux cacher ta peine. Il se fait tard et je lis dans ton regard que la solitude et l'ennui hantent tes jours et tes nuits. Puis quand revient le matin, ma vie glisse entre tes mains.